dévale la rue. Je cours à en perdre mon souffle. J'ai de la poudre sur les mains et cette odeur de soufre. Mon gun encore chaud et mal placé. Ça brûle mais j'endure, je continue de tracer. Je viens de gagner un mec pour un manque de respect. L'oseille qu'il me devait, il voulait pas lâcher. Je continue ma course, j'arrive jusqu'à la caisse. Les flics déboulent, on démarre à toute vitesse. Les sirènes s'allument, ça trace sur le bitume. Les cops hurlent et les guns fument. La voiture part en couille, le pilote est touché. On percute le rail, on finit dans un fossé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais entouré d'agents. Allongé sur un lit, je pouvais plus bouger les jambes. Donc trois morts et un paralysé à vie. Sinon le crime ça paie, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Un jour de pluie, j'ai eu cette idée de braquer une banque et puis je l'ai fait. Laisse-moi te raconter cette histoire qui s'est passée dans un monde que personne peut voir. Je suis parti sans hésite, je voulais l'argent illicite que ma vie facilite et tout le monde me félicite. Ensuite, tout s'est passé comme dans Hit, pensé trop fric, oubliant les flics, ces putains tireurs d'élite. J'suis foutu, comment s'en sortir sans issue, c'est fichu. Pour m'avoir, il faudrait qu'il me tue. Je ferme les yeux, j'avance vers la sortie. Cric, cric, boum, mais je commence à rétir. Les flics ripostent, une balle me traverse le buste. En deux secondes, toute ma vie devant mes yeux s'illustre. J'tombe, j'vois que la vie c'est pas ça. Quoi qu'il arrive, mec, le crime ne paye pas. Beau tabasser, amasser pendant des années, mais au final, le crime ne paie pas. T'as beau dealer, filer pour pas te faire serrer, mais au final, le crime ne paie pas. Personne n'est intouchable, mec, tu seras jugé coupable. Donc au final, le crime ne paie pas. Personne n'est capable de courir plus vite qu'une balle, mais au final, le crime ne paie pas. Cocaïne, c'est notre métier, un cartel entier, on fait pas les choses à moitié. On se baigne dans toutes ces dunes, quand c'est fait, on a fait satisfait, car le crime a payé. La corruption, c'est la clé de notre réussite. Pour faire notre ascension, on a payé les flics. Mec, tu peux tout faire, ce qu'il faut c'est le fric. Déposé rang, tu choisis qui tu niques. Combien de personnes sont mortes depuis nos débuts. On s'en fout quand on pense aux sommes qu'on a perçues. Déçu, on ne sera jamais de notre vécu. En regardant toutes ces thunes qu'on a reçues. Un jet privé, une villa et un compte en Suisse. Le crime c'est l'enfer, rares sont ceux qui réussissent. On a réussi, on attend que la vie se finisse. Entouré de miss, l'un de ceux qui nous haïssent. On a concrétisé, dans le milieu du crime. C'est cool mais dans le fond, attends la conscience tranquille.